4 novembre 1869 paraissait à Londres pour la somme de 4 pence le premier numéro d'une nouvelle revue scientifique sobrement intitulée Nature. 150 ans après, et après avoir publié entre autres les travaux d'Albert Einstein sur la relativité générale, la découverte des premiers australopithèques, la fission nucléaire, la tectonique des plaques, le séquençage du génome humain et j'en passe, Nature est devenue l'une des principales revues à facteur d'impact au monde. Son histoire raconte un siècle et demi d'évolution de l'histoire des sciences. Quel sera son avenir à l'heure où les usages numériques et de nombreux acteurs scientifiques plaident de plus en plus pour l'open access? Les sciences sont dans la nature, c'est le programme tout à fait naturel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, et pour nous raconter donc l'histoire de cette revue, de sa création jusqu'à aujourd'hui et son fonctionnement, nous avons le plaisir de recevoir en duplex depuis les studios de nos camarades, de nos confrères de la BBC à Londres, Nathalie Lebotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice senior et donc vous travaillez au siège londonien de Nature. Nous sommes ici en studio à la Maison de la Radio avec l'un de vos collègues, Tanguy Chouard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également éditeur senior chez Nature. Et Charlotte Big, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne des sciences et chargée de recherche au Centre Alexandre Coiré. Vous pouvez suivre comme d'habitude cette émission eh bien, sur les ondes, en replay via le site franceculture.fr, en podcast via votre application préférée et comme chaque jour en complément des écoute en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Alors je me retourne vers vous, Charlotte Big, qui est historienne des sciences. Peut-être que vous pouvez nous raconter ce qui se passe précisément ce 4 novembre 1869. Qu'est-ce qui arrive dans les kiosques ou chez les libraires londoniens? Ce qui arrive, c'est une petite brochure, je crois, d'une douzaine de pages. Nature s'appelle Nature, mais a un sous-titre à l'époque qui s'appelle Weekly Illustrated Journal. Et le journal hebdomadaire illustré. Voilà, journal hebdomadaire illustré. La dimension illustrée est importante. Quand on regarde Nature aujourd'hui et qu'on compare avec Nature il y a 150 ans, c'est pas très illustré, mais c'est néanmoins quelque chose qui est important, qui est probablement important pour son succès par la suite. Alors Nature, qu'est-ce que c'est? C'est une aventure de l'éditeur Macmillan, qui a déjà fait plusieurs tentatives, qui a publié un journal qui s'appelle The Reader, qui avait déjà dirigé Norman Lockyer. Et Macmillan demande à Norman Lockyer, donc un pionnier de l'astrophysique, comme on le comprend aujourd'hui, de fonder une nouvelle revue qui parlera des sciences, de toutes les sciences, pour un public a priori assez large. Alors, qui était ce Joseph Norman Lockyer, Charlotte Big? Charlotte Big, tout simplement. On va tout angliciser pendant c'est France Culture. C'est ça, c'est France Culture. On parle de Nature. Okay. Alors, Norman Lockyer, qui c'est? À l'origine, c'est un petit gras de papier, un employé du ministère de la guerre, qui a beaucoup de temps libre. Et dans son temps libre, il s'achète un spectroscope, il commence à regarder les étoiles, à se regarder le soleil, avec d'autres collègues, s'intéresse de plus en plus, commence à faire des conférences, commence à vulgariser les sciences, comme on dirait aujourd'hui, et à participer à travers ses relations avec Macmillan à l'édition scientifique. Peut-être un mot sur les tout débuts de ce journal pour lequel vous travaillez aujourd'hui, Nathalie Lebotte. En fait, ce qu'a dit Charlotte est très intéressant parce qu'elle a dit dès le départ que c'était un journal normalement destiné à un public assez large et vraiment en termes de vulgarisation scientifique. Et en fait, les premiers numéros et les premiers jours de Nature étaient vraiment basés sur cela, sur amener à votre grand-mère peut-être qui pouvait avoir un intérêt à lire les choses qui se passaient dans le monde scientifique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, comme la diffusion des résultats scientifiques à ce moment-là se faisait soit par conférence au sein de la Royal Society ou d'autres académies de ce style, et ensuite publication dans des larges volumes qui arrivaient tous les trimestres peut-être parfois, ça mettait très longtemps à sortir les résultats. Et donc les jeunes chercheurs de l'époque se sont dit, eh bien, on pourrait utiliser peut-être ce conduit pour publier des résultats tout de suite. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé à autre chose. Tanguy Choua, il y a vraiment dès le départ effectivement cette double volonté qui va structurer toute l'histoire du journal, c'est-à-dire à la fois des scientifiques aux scientifiques pour communiquer les recherches et en même temps un accès pour le grand public avec la volonté de vulgariser. Oui, et je crois que c'était vraiment dans le original mission statement, et je pense que là il y a déjà la combinaison du publisher et de l'éditeur qui ont combiné leur vision, et il y avait vraiment le souci d'amener les scientifiques à communiquer les uns entre eux plus vite, plus rapidement, mais que ça reste pas une conversation de salon comme ça l'était la Royal Society, mais aussi à faire du reach out et aller atteindre le grand public. Et le reach out, c'est-à-dire d'aller de tendre la main, enfin d'aller vers le reach public. Out. Okay, oui, reach out. Et en fait, ça a vraiment une conséquence importante jusqu'à nos jours, parce que la structure même du journal est un petit peu bizarre en fait comparée aux autres publics. Scientifique. On a un objet hybride qui a deux grosses moitiés. La première moitié qui est un magazine, vraiment qui est du journalisme, qui n'est pas soumis à l'expertise des pairs. Donc je ne dis pas qu'on dit n'importe quoi, on est des gens sérieux, mais c'est les mêmes règles que le journalisme. Alors que la deuxième moitié est un journal académique soumis au peer review. Et ça entraîne des grosses confusions, en tout cas de ce que je détecte moi dans les médias. C'est que souvent quand on dit publié dans la revue prestigieuse Nature, on confond les deux. Que ce soit un travail de journalisme qui n'a pas été expertisé ou que ce soit 10 ans de travail expertisé. Donc il faut vraiment être conscient qu'il y a un objet hybride, et ça remonte à Macmillan et Lockyer. Ils avaient déjà un double agenda, je pense. Charles Big. C'est intéressant de replacer l'histoire de Nature dans l'histoire de l'édition scientifique à cette époque, dans la mesure où avant Nature, et il n'y a pas que Nature à cette époque, il y a d'autres journaux, il y a le Chemical News, il y a toute une série d'initiatives à peu près dans les mêmes décennies. Il y a même une sorte d'explosion de la publication pour des raisons tout à fait fiscales, je crois, d'un timbre sur la publication qui est supprimé. Absolument, duty, voilà. Absolument. Donc il y a vraiment une profusion de publications pour des raisons techniques aussi sur lesquelles on pourra peut-être revenir. La présence des sciences dans les publications auparavant, donc disons qu'en 1850, en Grande-Bretagne, elle est double. Elle est d'une part dans les revues publiées par les sociétés scientifiques, par exemple la Royal Society, donc c'est les Philosophical Transactions, donc c'est des circulations très petites, c'est très peu illustré, c'est très lourd, ça paraît pas souvent. Et puis sinon, on trouve des discussions sur les sciences dans les revues généralistes, les Edinburgh Review. Et la génération des grands savants du milieu du 19e siècle, les Faraday, les Huxley, publient en fait et continuent de publier dans ces revues généralistes avec l'idée que les sciences font partie de la culture générale. À partir de Nature, des années 1870, commencent à apparaître des revues qui ne vont traiter que de sciences, mais qui vont quand même avoir l'ambition de parler à un public plus large. Et là, ça parle aussi à une nouvelle sociologie des praticiens de sciences. C'est qu'on a toute l'apparition de professionnels, de techniciens, de testeurs, d'enseignants, de plein de métiers, de personnes qui sont potentiellement intéressées par les sciences et qui vont potentiellement lire ces journaux, même si eux-mêmes ne sont pas des chercheurs au sens contemporain du terme. Et Nature, d'une certaine manière, répond à ce besoin, crée aussi un besoin, avec l'idée aussi, et c'est pour ça que l'ancienne génération, comme T.H. Huxley, vont beaucoup soutenir Lockyer, même si éventuellement ils ne vont pas énormément publier dans Nature, puisqu'il faut savoir que dans le monde britannique, et pas seulement, il y a un énorme débat médiatique et social qui domine la deuxième moitié du 19e siècle, c'est le livre de Darwin, c'est la théorie de l'évolution. Premier numéro, c'est 10 ans après l'origine des espèces, donc tout proche. Et c'est assez clair, en fait, que le soutien savant pour Nature, pour l'entreprise de Macmillan, vient aussi de cette idée qu'il faut parler à un public de spécialistes et au-delà des spécialistes, et parler des sciences et vulgariser bien les sciences. Alexander Macmillan, qui est donc le publisher, mais c'est le problème, c'est qu'on dit éditeur en français pour les deux, ouais. et Norman Lockyer, qui est l'éditeur à proprement parler, c'est-à-dire l'éditeur de contenu. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire cette ère florissante des nouvelles publications, c'est vraiment aussi le moment où la science sort des salons et commence à intéresser ou à tendre la main vers le grand public. On entre, en fait, c'est le début de l'ère de la vulgarisation, Tanguy Choua. Oui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est marrant parce que de nos jours, il y a beaucoup de controverses qui sont relayées par Nature, et toujours pas, c'est le génie de l'interaction entre ces deux univers, mais le fait de proposer un forum où les deux puissent interagir, le grand public et les scientifiques entre eux, ça fait qu'il y a des conversations. Par exemple, je crois que c'est Thomas Lee qui devait insister pour qu'il y ait des... Ou c'était Lockyer qui insistait pour qu'il y ait des réponses et que les, un peu le courrier des lecteurs, quoi. Et comme c'était hebdomadaire, ça permettait de réagir très vite. Mais de nouveau, sous les yeux du public. C'est un peu des thèmes contemporains, hein, que tout puisse se faire... Absolument. Donc le sous-titre... c'est pas seulement illustré, c'est weekly. Et la dimension hebdomadaire, hein, c'est extrêmement important dans la mesure où ça permet une discussion, des conversations, des disputes en temps réel pour l'époque. On va pas dire que c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, mais pardon, pourquoi pas. Un mot tout de même, peut-être, Nathalie Le Bot, pourquoi Nature, pourquoi ce titre? Est-ce qu'on sait ça ou est-ce que c'est une légende qui est liée à l'histoire de la revue? Je crois que ça, c'est pas très clair, en fait. C'est peut-être une chose qui est... Vous savez comment ça se passe toujours à l'heure actuelle, comment on arrive à un bon nom. On essaye quelques-uns, et puis il y en a un qui ça a l'air de bien sonner, de rester dans la tête. Mais je crois pas qu'on soit vraiment exactement qui... Pourquoi ça a été choisi, celui-là et pas un autre? Ton Michel? Je crois qu'il y a... Je tiens ça de Phil, hein, Phil Campbell, le dernier éditeur, enfin l'avant-dernier éditeur. Il y a une lettre où il y a une indication de Thomas Huxley qui a l'air de dire que c'est Macmillan qui a eu le dernier mot. Mais je trouve que le plus joli, c'est la réaction des gens à l'époque. Il y avait un mathématicien, j'ai oublié son nom, mais qui avait toute une réflexion poético-lyrique sur le mot nature et qui était complètement extatique. Il en a écrit des pages quasiment, où il disait qu'il trouvait ça génial parce que c'était à la fois, c'était plus que le cosmos, c'était plus que l'univers, parce que la nature, c'est plus que ça. Il y a la notion du seen and unseen, de ce qui est visible, de ce qui est pas visible, la nature des choses, le fond, c'est conceptuel. Et puis ça, il s'arrêtait plus, il disait, mais je vois des opportunités infinies sur ce que ce titre. Il savait pas à quel point il était visionnaire, mais bon, c'était... Charlotte Bic, vous pouvez trancher sur cette origine un peu mystérieuse du titre de Nature? Non, je crois que c'est un sujet de débat, mais c'est vrai qu'en épitaphe, il y a une citation de Wordsworth, les premières années ou décennies. Ah oui. Donc la dimension littéraire du monde et de la perception du monde est sinon revendiquée, en tout cas présente. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de l'histoire de la revue Nature qui fête cette année ses 150 ans. Nous en parlons avec deux éditeurs, Nathalie Le Bot qui est avec nous en duplex depuis Londres et Tanguy Chouard, et une historienne des sciences, Charlotte Big. Un mot, Charlotte Big, on va essayer de passer un peu en revue l'histoire, et c'est un peu à marche forcée parce que il y aurait des heures et des heures de discussion puisque Nature a accompagné 150 ans de révolution scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, Nature va adopter un ton assez politique dans ses éditos. Alors ça, c'est intéressant parce que Lockyer, à l'inverse de certains autres éditeurs des journaux scientifiques qui existent à l'époque, a plusieurs rôles. Donc j'ai dit qu'il était astrophysicien ou chimiste céleste, comme il disait lui-même. Mais il était aussi beaucoup impliqué dans la promotion du financement public de la recherche, on dirait aujourd'hui. Il a participé à une commission qui s'appelait la Devonshire Commission, qui a poussé le gouvernement, les pouvoirs publics, à investir dans les sciences. La deuxième moitié du 19e siècle, généralement en Europe, un petit peu aux États-Unis, est un moment d'expansion majeure de l'enseignement et de la recherche. On crée des instituts, on fonde des instituts, on crée des chaires, on finance des postes. Et en Angleterre, c'est un petit peu moins le cas. Et Lockyer a tout un réseau de personnes qui vont promouvoir ce qu'on peut appeler la professionnalisation de la science. Ce n'est plus le man of science, le gentleman of science, qui fait des sciences mais qui a des revenus par ailleurs, qui a été éduqué à Oxford ou Cambridge. L'idée qu'on puisse étudier les sciences dans plus d'universités et qu'on puisse vivre de son travail. Et c'est une revendication politique pour Lockyer, mais c'est aussi une revendication très personnelle. Lui-même n'a pas de revenus indépendants. Lui-même milite pour la création d'un observatoire d'astrophysique qui va finir par obtenir à la fin des années 80 un observatoire très modeste à South Kensington qui ne va pas vivre très longtemps. Et donc Lockyer va utiliser Nature aussi, va se servir de Nature comme forum dans ses éditos pour promouvoir cette vision des sciences. Et donc d'une certaine manière, Nature participe aussi à cette réinvention des sciences. à la fin du 19e siècle. Et puis tout au long de son histoire et dans le 20e siècle, avec des prises de position, notamment en faveur très tôt, dès le début du 20e siècle, en faveur de la place des femmes dans la science. Je parle sous votre contrôle, Charlotte Bigue. J'ai pas étudié cette question-là. Je me crois sur parole. Nathalie Lebotte, peut-être, sur cette question. Je pense, oui, qu'il y a eu quelques éditoriaux, je pense, par rapport à ce moment-là. Mais bon, c'est une chose que l'on continue toujours de manière très active, comme vous pouvez imaginer. Ouais. Et, on peut dire que votre éditrice en chef, Magdalena Skipper, la première éditrice en chef de l'histoire de la revue à l'heure actuelle, avec comité éditorial très, très féminin, en l'occurrence, en ce moment. Oui, ça c'est vrai. Peut-être que Tanguy a un mot à dire à propos de ça, comment c'est de travailler au sein d'un environnement principalement féminin. Mais La question revient toujours. Et en préparant l'émission avec un de vos collègues, on rappelait le fait que quand on choisit des référis, bon, maintenant c'est un souci constant. Ça n'était pas le cas avant. Quoi. Puis dans la science, ça change aussi, donc ça aide. Il y a plus de référis femmes parmi lesquels choisir. Non, mais c'est vrai que c'est une question périodique. Et pour cause. Ouais. Si on continue à dérouler un peu, Charlotte Bigue, cette histoire des débuts de Nature, c'est les débuts sont un peu difficiles. Hein. Financièrement, c'est pas simple. Il y a des tensions entre Macmillan et Lockyer. Il va falloir du temps avant que le magazine puisse s'installer, puisse devenir rentable déjà dans un premier temps. Absolument. Malheureusement, il reste très peu d'archives sur cette période. Et donc, on n'a pas, par exemple, le nombre d'abonnés. Lockyer parle de 3000 dans les années 1880, mais parle ailleurs de 30 000. Et puis on sait aussi que les pratiques de lecture étaient différentes à l'époque, puisque pas tout le monde était abonné. On pouvait aller lire des revues dans les bibliothèques. Donc on n'a pas des chiffres très précis, mais on estime que la circulation était relativement faible. Néanmoins, et peut-être aussi grâce à la longévité de Lockyer, hein, parce qu'il il dirige Nature de 1869 à la création jusqu'en 1920. Sa disparition. Néanmoins, Nature arrive à s'installer, à s'établir. Et les historiens se sont intéressés aussi aux raisons pour lesquelles cette revue-là et pas d'autres a pu persister et accompagner la transformation des sciences dans les 150 ans. On voit aussi, comment ça se structure d'ailleurs ? Expliquez-nous un peu, Charlotte Bigue, au début, qui sont les contributeurs de Nature ? Comment est-ce que la revue s'organise justement ? Parce que ce qui fait aujourd'hui ce fameux système du peer reviewing, de la revue par les pairs, n'existe pas au départ, il va arriver beaucoup plus tard dans l'histoire de la revue. Comment ça fonctionne ce Nature des débuts ? Alors, comme on n'a pas d'archives, on lit les numéros. On s'aperçoit que Lockyer lui-même écrit énormément. Il y a beaucoup d'astrophysique les premières années. On s'aperçoit que Lockyer va énormément utiliser son réseau. Hein, c'est assez classique. Que parmi les lecteurs et parmi les contributeurs, on voit beaucoup de personnalités qui sont dans les réseaux de Lockyer. Et puis une fois que la Nature s'est un petit peu installée, il y a une autorité qui fait que de plus en plus de personnes vont contribuer. C'est pas du tout une organisation prévue rationnelle, hein, ça se fait un peu comme ça. Un aspect qui est vraiment important, je pense, c'est la dimension internationale. Donc, Illustrated disparaît au début du XXe siècle et est remplacé par International. Et je pense que la distribution internationale, et notamment aux États-Unis, en Australie, fait que Lockyer arrive à avoir un réseau de correspondants assez large, assez rapidement, et qui permet à cette revue d'être visible plus largement. On peut signaler que la grande revue concurrente Science, qui est la version américaine, est fondée par Thomas Edison en 1880. Tanguy Chouard, vous vouliez intervenir. Oui, non, je pensais à l'organisation formelle, le côté un peu artisanal du processus de décision. En fait, ça a duré jusque très tard. Peut-être le papier le plus fameux, le plus important de toute l'histoire de la publication, la double hélice de l'ADN en 1953, n'a pas été peer-reviewed. N'a pas été revu par les pairs, n'a pas été expertisé. C'était vraiment encore un peu le système des gentlemen dans leur club, l'éditeur de l'époque. Tellement de gentlemen que Rosalind Franklin a été effacée du papier. Oui, complètement, ça faisait partie. On revient à la question tout à l'heure, malgré les éditoriaux du début du siècle. Oui. Et en fait, il y a même un cas, on pourrait même dire que de nos jours, ce papier-là probablement ne survivra pas au système de peer review. La façon dont il a été écrit, parce qu'il était tellement spéculatif. Il était spéculatif sur les données des autres. Il y avait un petit crobar quasiment au crayon fait par la fille de Crick, je crois. Ou la femme de Crick. Et donc c'est très tard, 1953, c'est très proche de nous. Et puis encore un changement d'éditeur. Je me rappelle, je crois que quand John Maddox est revenu, il y avait une pile de plusieurs milliers de manuscrits qui traînaient dans le bureau, qui n'avaient pas été traités. On ne mettait même pas la date de soumission. Il n'y avait pas on ne savait pas quand. Et du coup, les choses s'empilaient là, et c'était en fonction du bon vouloir des éditeurs du moment, quoi. Et puis après, je crois que c'est venu très artisanalement. Il y a un des éditeurs, Bimble, je crois, qui se baladait avec, il prenait des liasses de manuscrits Nature, il allait à la Royal Society ou juste à côté, et puis il se mettait dans le bar, il offrait des whisky à tout le monde, puis il demandait ce qu'ils en pensaient. Puis là, c'est le début du peer review. D'accord. Seulement, comme il y avait des papiers que les scientifiques avaient rejetés et que lui, il aurait préféré garder, ben il a un peu changé, il est revenu à ses anciennes méthodes. Enfin, ça a pris du temps, quoi. Il y a aussi toute une catégorie d'articles qui sont des rapports. Des rapports de réunions, de meetings de diverses sociétés en Angleterre et ailleurs. Et donc, il avait éventuellement un réseau de correspondants qui... Et c'est vraiment ces trois paragraphes, hein, c'est tout petit. Mais ça permettait, c'était vraiment les nouvelles de la science et de ce qui s'était passé dans diverses réunions. Mais la controverse est vraiment intéressante parce que Lockyer lui-même adorait les controverses, se dispute avec tout le monde... en astrophysique, mais ça participe aussi de cette économie de la revue à la fin du 19e siècle. Il y a plein d'autres revues sur le marché et la controverse est un moyen de vendre, déjà. et donc, c'est pas seulement la théorie darwinienne, mais c'est aussi la théorie darwinienne, mais plus il y a de débats et plus il y a d'échanges un peu passionnés dans les pages de Nature, et mieux c'est pour ce journal aussi. C'est pour ça que les Français appellent ça le tabloïd de la science. Hein. Quand est-ce que les Français appellent ça le tableau de la France? Moi, quand j'étais dans les labos français, c'est comme ça qu'on voyait Nature. Ah oui, d'accord. Je savais pas du tout comment ça se passait à l'intérieur. Ici, il y a une très très mauvaise réputation. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais en France, pendant longtemps. Nathalie Lebotte, sur ce goût pour la controverse. Et puis, c'est vrai que l'histoire du journal, c'est aussi l'histoire de grandes controverses, de papiers rejetés, de corrections dès le début. On peut parler des fameux rayons N qui valent une publication et qui n'ont jamais existé de facto. Oui, alors la controverse, je pense, trouve bien sa place, on dira, dans la première partie magazine dont a parlé Tanguy au départ, donc où ce sont des journalistes qui décident les sujets à couvrir et ils s'inspirent un petit peu des débats qu'ils entendent dans les sphères scientifiques, ça c'est sûr, et ils font leur recherche d'une certaine façon. Dans le cas des papiers académiques eux-mêmes, je pense qu'il faut voir que, en fait, la science avance à petits pas, suivant les outils disponibles à un moment ou à un autre, on arrive à certaines conclusions, et puis peut-être quelqu'un va avoir un autre outil plus tard qui permettra de démontrer que cette première conclusion n'est pas exactement comme elle était énoncée au départ, et ce qui invite à une autre étude qui peut être tout aussi valable et même plus, je dirais, parce que même si c'est pas reproduit exactement, même si c'est dire que ce n'était pas exactement comme ça, et bien c'est faire avancer à petits pas avec les outils disponibles à un certain moment. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure, Tanguy Chouard, l'un des célèbres papiers, c'est-à-dire la structure en double hélice de l'ADN. Tout de même, en 1921, un certain Albert Einstein qui publie quelques travaux autour d'une notion qu'on appelle aujourd'hui la relativité générale. Ce n'est pas une petite publication. Non, mais... nous sommes des biologistes, hein, donc pour nous, le papier, c'est... Non, mais franchement, si vous faites un sondage, vous serez surpris. Tout le monde a beaucoup de respect pour Albert, mais... je vous le confirme. Mais Jim et Francis... enfin tout le monde d'ailleurs, c'est pas vrai. Il y a une particularité d'ailleurs dans le papier de nous sommes des biologistes, mais le papier de la double hélice, c'est un papier écrit par un physicien sur des données qui ont été obtenues dans un labo de physique. C'est avant tout un papier de physique. C'est de la structure d'une macromolécule grâce à la diffraction des rayons X. Il y a pas de doute là-dessus. Et puis les papiers de 1901 n'étaient toujours pas peer review non plus. Et puis je veux juste dire que quand je parlais de tabloïd, je faisais la même erreur que ce que je décrivais dans les médias, c'est-à-dire que je parlais évidemment de la partie magazine, pas de la partie vénérable dont Nathalie et moi nous occupons, qui est évidemment beaucoup plus respectable. La publication des papiers académiques. À partir de quel moment, je sais pas, peut-être Charlotte Big, à partir de quel moment apparaît la notion de revue à facteur d'impact? C'est quelque chose d'assez récent? Ou Tanguy Chouard sur cette question? Revue à facteur d'impact. Ouais. À partir de quand on a commencé à quantifier Quentin? Oui, c'est ça. Voilà, je ne le connais pas en tant qu'historien, mais je dirais à vue de nez, c'est devenu important, moi je dirais fin des années 90, début des années 2000. Nathalie, tu sais ça? Je pense peut-être un petit peu avant, on pourra dire peut-être même à... Je pense un petit peu associé à la naissance d'une publication, disons, une autre publication dans concurrente, on peut dire, comme vous avez dit, nommée Science, donc Cell, parce que c'est tout d'un coup, il y avait trois journaux qui étaient intéressés par les données les plus intéressantes, on dira, ou les plus excitantes, et donc ça a un peu joué sur ça. Mais il faut voir que, en partie, cette notion de facteur d'impact, qui est une donnée numérique qui compte combien de fois sont cités certains papiers sur un temps très court, et une chose qui n'intéresse pas nécessairement les éditeurs, ça intéresse surtout les gens qui doivent choisir les personnes à qui ils vont donner le travail et à qui ils vont donner de l'argent pour faire la recherche. C'est pas vraiment une chose que nous on regarde en soi-même, on dira. Donc c'est un numéro qui a été inventé pour mesurer une chose, une production de la science, mais c'est juste un aspect de la science, je dirais. Le peer reviewing, donc la revue par les pairs, ça s'installe donc officiellement à la fin des années 60, aux alentours de 67, oui. C'est Nathalie Le Botte. Oui, ça c'est vrai, ça c'est autour de ces années-là où, bon, au début c'était un petit peu ad hoc et artisanal, comme dit Tanguy, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça a été décidé que ça devait se faire de manière systématique et telle qu'on le connaît maintenant. Par John Maddox, le rédacteur en chef de l'époque. Mais encore une fois, bon, j'ai pas de données historiques sérieuses sur la question, mais il me semble qu'il y avait des raisons pratiques en fait. C'était pas une grande vision sur la rigueur future de la science ou la nécessité de l'impartialité, etc. Je pense qu'il y avait, de la part de John Maddox, il y avait un problème d'urgence. C'était ces piles de manuscrits, qui étaient vraiment des milliers de manuscrits. Et quand il est revenu à la charge, il a trouvé ça et il a fallu qu'il sous-traite. Et donc, il a recruté tous les scientifiques qu'il connaissait pour faire le boulot. Et parce qu'il n'avait pas le choix. Donc, au départ, c'était quand même très conjoncturel, quoi. Mais c'est un moment, en fait, où ce système se met en place dans d'autres journaux, je dirais aussi. C'est pas seulement que ça s'est arrivé à Nature, et puis les autres ont suivi. Disons qu'il y avait une croissance exponentielle, je pense, probablement des travaux, qui faisait que c'était plus suffisant pour les 4 ou 5 éditeurs qui avaient par revue de s'en occuper, parce que tout devenait trop de papiers à regarder et trop de champs à couvrir. Et j'ai un auditeur qui nous signale très justement qu'évidemment, la relativité générale, c'est 1915, le papier dans l'éditeur, c'est 1921, et c'était à l'occasion d'un numéro spécial consacré à l'année de la physique que Einstein avait publié un papier dans Nature où il évoquait ses travaux autour de la relativité générale. On va accélérer un peu la marche du temps pour arriver à aujourd'hui. Depuis la fin des années 90, ce n'est plus juste Nature, c'est NPG, Nature Publishing Group, la grande diversification des revues. Nathalie Le Botte, aujourd'hui, Nature, ce NPG, Nature Publishing Group, c'est des dizaines et des dizaines de revues scientifiques spécialisées. Oui, alors en ce moment, on est regroupé sous le nom de Nature Research, je pense. Donc, c'est un petit peu encore lié à la croissance exponentielle de la science et des différentes communautés qui ont besoin d'un endroit où publier leurs travaux. Et où les lecteurs vont savoir où les trouver. Et donc, comme la science grandit dans toutes les directions, eh bien, je pense que l'idée d'essayer de donner une maison, un home, comme on dit, à toutes ces différentes communautés pour servir leurs besoins, je dirais. Vous avez quelques chiffres en tête, l'un ou l'autre, sur aujourd'hui Nature Publishing Group, c'est-à-dire c'est combien de revues, combien de personnes Combien de revues, je ne peux pas dire. Il y en a vraiment des douzaines, même simplement pour celles qui comportent le mot Nature, donc Nature Neuroscience, Nature Medicine, Nature, etc., Photonics. Il y en a vraiment pratiquement de nouvelles tous les ans. Mais c'est sans compter les autres titres qui ne comprennent pas le mot Nature et qui sont des revues plus spécialisées, mais qui appartiennent au même groupe, qui est maintenant Springer Nature. Mais je crois que l'ordre de grandeur, c'est, en tout cas au niveau des éditeurs, on est maintenant 400 éditeurs pour les journaux du groupe. Nathalie Le Botte ? Oui, je pense que c'est autour de ça, oui. Il y a une tentative de Springer Nature d'introduction en bourse en 2018 qui n'a pas très bien marché. Pourquoi, vous savez, Nathalie Le Botte ? Je crois qu'elle n'a même pas été tentée, en fait. Ils ont battu en retraite, c'est ça, oui. Nous, nous sommes des éditeurs. Je ne vais pas vous interroger sur des choses que vous ne pouvez pas. Mais justement, vous allez nous parler, parce que c'est intéressant maintenant de comprendre comment, quel est votre travail d'éditeur de papier académique, comment vous les réceptionnez, quel est le travail entre la publication du papier, depuis la publication du papier jusqu'à sa conception, ou plutôt de sa conception jusqu'à sa publication. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants. La belle, magnifique, sublime voix de Barbara Hendricks qui lit en musique, qui chante le poème d'Emily Dickinson, Nature, the gentlest mother, la mère la plus douce. Est-ce que Nature est la plus douce mère de toutes les publications scientifiques? C'est une question qui nous reste encore à débattre dans la suite de cette émission, puisque nous parlons de l'histoire de cette revue Nature, qui fête cette année ses 150 ans. Nous en parlons avec deux éditeurs de la revue, deux éditeurs scientifiques, Nathalie Lebotte, qui est avec nous en duplex depuis les studios de la BBC à Londres, et Tanguy Chouard, ici à la Maison de la Radio à Paris, et avec une historienne des sciences, Charlotte Bic, qui est chargée de recherche en histoire des sciences et des techniques au Centre Alexandre Coiré. Alors, expliquez-nous, Nathalie Lebotte, Tanguy Chouard, aujourd'hui, en quoi consiste le métier d'éditeur scientifique pour Nature, Tanguy Chouard? C'est quoi ce métier? Moi, j'ai l'impression qu'on fait une bonne demi-douzaine de métiers différents. Alors si je les prends un peu au hasard, ça va de chercheur d'or à arbitre de foot en passant par sélectionneur, même détective privé, je dirais. Oui, détective privé, oui, ça aussi, oui, ça. Alors chercheur d'or comment? Bah oui, il faut qu'on. En fait, ça c'est probablement la chose que même les chercheurs ne réalisent pas. Mais bon, une grande partie de notre temps, ça consiste à aller sur le terrain, aller faire des visites de labo pour essayer de dénicher des pépites qui sont peut-être cachées dans la boue. Et quand on va sur un site, les gens se donnent le mot. Et donc peut-être un des petits groupes de cette université qu'on n'aurait pas connu sans eux, ben, le jour de notre visite, le bouche à oreille va faire qu'on va avoir un entretien avec eux d'une heure et on va se rendre compte qu'ils sont en train de faire des trucs fabuleux, qu'ils sont peut-être pas encore prêts, mais qui feront une très belle histoire dans nos ans. Donc là, c'est le côté chercheur d'or. Il y a un côté confesseur aussi. Quand on va dans les conférences, il y a les présentations officielles des scientifiques envers leur père, avec des diapos, etc. Et généralement, ça, ce sont des moments de la recherche qu'on connaît déjà, parce que généralement, les manuscrits sont déjà soumis. S'ils en parlent à leur compétiteur potentiel, ouais, c'est qu'en fait, ils sont déjà à l'abri, ils ont déjà le soumis. Donc généralement, les papiers, on les a déjà. Et ce qui est important, c'est la pause café, c'est les petits mots qu'on nous fait circuler. On nous dit, maintenant, je vais te parler de la chose vraiment importante dont je peux parler à personne. Mais surtout, t'en parles pas. Évidemment, l'éditeur va jamais parler de ça. C'est les auteurs qui font des fuites. Mais voilà, il y a tout ce travail souterrain qui est une espèce de deuxième meeting. Et à la fin du meeting, on a la tête farcie parce qu'on a deux conférences dans la tête, la conférence officielle et puis toutes les pauses café et toutes les bières qu'on est allé boire au bar. Et c'est là qu'on nous dit les trucs importants. Ça, c'est la partie confesseur. On sait que la science se passe aussi, pas que dans les laboratoires, mais dans le café en face du laboratoire. C'est une. Dans le pub. Au bistrot. Ouais. Voilà. Dans le bistrot d'en face. Bon, et puis il y a encore une demi-douzaine de métiers assez intéressants. Et puis la partie détective, là, dans les conférences, c'est vraiment, il faut qu'on repère qui est le meilleur ami de qui est le pire ennemi de qui. Parce que quand on va chercher des experts, des référis pour faire notre peer review, c'est ce qu'on veut éviter. On veut ni le meilleur ami, ni le pire ennemi. On veut qu'il y ait une expertise qui soit la plus équilibrée possible pour qu'on aboutisse au meilleur papier concevable. Et donc, on est là le soir avec notre torche à aller dans les dortoirs pour voir qui couche avec qui, qui se balade avec un revolver. On s'attendait pas à ça, c'est un drôle de. Oui, Nathalie Lebot. Nathalie Lebot, oui. Je vous laisse compléter cette description de votre travail d'éditrice scientifique. Ah oui. Non, moi j'essaye plutôt de trouver quelqu'un avec qui courir un 10 km le matin, plutôt qu'aller dans les dortoirs le soir et essayer de comprendre un peu les relations comme chacun ça. Chacun sa méthode. Voilà, chacun sa méthode, mais c'est vrai qu'il y a tous ces aspects, c'est sûr. Là, ça, c'est un petit peu des aspects où on va. À l'encontre des chercheurs, mais bon, tous les chercheurs n'ont pas forcément envie de nous parler de cette façon non plus. Bon, nous, on encourage toujours ça, cette approche, mais cette approche n'est pas nécessaire non plus, c'est-à-dire que il y a aussi ces moments où, parce qu'on a eu tellement de manuscrits dans la semaine, on n'a pas pu lire tout ce qui nous est arrivé, puis le samedi matin, avec son croissant, on ouvre le manuscrit et on se rend compte que là est la pépite, et là, on est très content, donc, et on ne l'a jamais vu avant non plus. Et ça, c'est aussi un moment de chercheur d'or sans avoir fait le travail de prospecteur avant, qui est aussi très agréable. Charlotte Bic, vous voulez intervenir ? Oui, je trouve ça fascinant parce que la revue scientifique, ça montre à quel point la revue scientifique n'est pas seulement un lieu de communication de choses qui sont déjà produites, mais qu'elle participe de manière très importante à définir ce qu'est le travail scientifique, le bon travail scientifique. Et c'est d'ailleurs dans Nature, en grande partie, que s'invente, que s'établit cette idée que la revue scientifique est le lieu principal pour établir la priorité d'une découverte, d'une invention, d'un résultat important. On l'a pas dit dans la première partie, mais c'est vrai que Nature et l'histoire de Nature a contribué aussi à forger une certaine forme, en tout cas un certain aspect de la recherche scientifique elle-même, et qu'il y a un dialogue entre ce qu'est aujourd'hui le monde de la recherche et ce que sont les revues qui ont contribué à les diffuser. Alors, oui, il y a des exemples. Enfin, moi, j'ai des exemples croustillants. Enfin, ça fait à peu près 18 ans que je fais ce boulot et j'ai quelques souvenirs. Bon, c'est rare, hein, c'est pas tous les jours qu'on est utile vraiment au fond, qu'on aide à modeler les sujets, mais il y a des cas vraiment marrants. Bon, dans mon cas, il y avait un projet qu'on a finalement publié sous le titre de Fold It, qui était une expérience de crowdsourcing, où c'était un jeu vidéo dans lequel on recrutait des dizaines de milliers, hein, vraiment 50 000 personnes au moment de la publication, qui étaient des non-scientifiques et qui ont contribué de façon décisive à la science du repliement des protéines. Et comment c'est né ça ? C'est né vraiment de façon fortuite, ce projet, de ma rencontre je faisais la science des protéines en plus des neurosciences pour des raisons diverses, mais il le savait pas, et donc il me présentait son programme programme pour étudier le repliement des protéines. Et il me disait qu'il avait besoin de puissance informatique, qu'il recrutait donc les temps de veille des ordinateurs de toute une foultitude de gens, et que les gens, en voyant sur le screensaver de voir la protéine essayer tant bien que mal, l'ordinateur essayer tant bien que mal de replier la protéine, sans savoir de quoi il s'agissait, se tournaient vers l'écran en disant « Alors, tu tournes un peu, mais regarde de l'autre côté. » Et ils insultaient leur ordinateur en disant qu'il était bon à rien parce qu'ils voyaient la solution. Du coup, ils envoyaient des emails au chercheur et le chercheur me dit « Mais je reçois plein de feedback extrêmement intéressant de la part de non-scientifiques. » Et on ne sait pas trop comment utiliser ça. Alors, on a parlé à ce moment-là d'un jeu vidéo et ils ne savaient pas que je faisais les neurosciences. Et en fait, j'étais extrêmement intéressé par l'idée de la sociologie, en fait, de recruter des non-scientifiques pour ça. Et puis, deux ans, trois ans après, c'est devenu Foldit, quoi. Et c'est après, les gens l'ont appliqué à l'astrophysique. Enfin, voilà. Bon, c'est pas tous les jours, hein, mais il y a des moments où ça se fait autour d'une bière et c'est quand même super sympa, quoi. Dont on avait parlé ici même dans l'émission que nous avions consacrée aux smart games, donc à ces jeux intelligents et ces jeux participatifs qui contribuent beaucoup aujourd'hui à la science participative. Nathalie Lebotte, une question tout de même, puisque donc le peer reviewing, c'est la revue par les pairs, c'est-à-dire que ce sont des scientifiques qui sont spécialistes du domaine et qui vont relire. Comment ça se passe en fait aujourd'hui? Comment est-ce que vous recrutez ces pairs? Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes? Combien sont-ils pour une étude donnée? Et comment faire dans des secteurs aussi pointus de recherche fondamentale ou appliquée, dont on connaît aujourd'hui des développements justement extrêmement, extrêmement pointus, extrêmement ténus, extrêmement ciblés, et donc très techniques et très complexes? Alors, je vais commencer par ça, je dirais, parce que effectivement, les publications maintenant couvrent plusieurs champs. Donc, on s'assure toujours qu'il y a un expert pour chaque champ, quelqu'un qui sache vraiment le fin fond de l'histoire dans ce qui est fait. Et certainement pas toujours les mêmes personnes, non, parce que sinon, c'est un petit peu contre un des principes auxquels on adhère tous en tant qu'éditeurs, que nous sommes très fiers de notre indépendance. Et donc, si on s'appuie toujours sur la même personne, eh bien, on perd cette indépendance en quelque sorte. Et ce n'est pas bon pour la science non plus, parce que même s'ils sont ouverts, les scientifiques ont un petit peu leur pet theory, donc leur théorie favorite, et ils ne sont peut-être pas nécessairement ouverts en première approche à quelque chose qui ne va pas exactement dans cette direction. Donc on essaye toujours d'avoir quelqu'un qu'on connaît par expérience, qui a déjà fourni un bon travail, et puis aussi de diversifier les gens qu'on recrute pour ça. Et donc là encore, je dirais que les conférences sont intéressantes pour cela, puisqu'ils permettent de rencontrer des nouveaux chercheurs. Moi, dans mon champ, au sein donc des éditeurs qui s'occupent des cellules souches dans les différents journaux, quand on va à la conférence, la grande conférence annuelle, donc on invite à passer un moment entre eux et puis avec nous, des chercheurs qui viennent juste d'ouvrir leur laboratoire, en fait. Et ça nous permet comme ça de connaître un petit peu ce qu'ils font et de pouvoir leur envoyer ensuite des travaux à regarder. Et là, comme on a dit au départ, je pense on essaye aussi vraiment de diversifier en tant que avoir pas seulement des hommes mais aussi des femmes qui revuent les papiers énormément, je pense. Et des jeunes. Et des jeunes, oui, des jeunes, c'est cela, oui. C'est quoi, synthétiquement, la vie d'un article publié? On parle bien de la partie académique, hein, et pas de la partie magazine, on le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours, de la partie académique de Nature. C'est quoi la vie entre le début du manuscrit et la publication, Tanguy Chouard? Comment ça se passe? Les allers-retours, la discussion avec les scientifiques, avec les pairs, comment... Et votre travail d'éditeur scientifique à vous? Alors, encore une fois, ça commence très très tôt. Donc, si on revient à la phase chercheur d'or, là, premier contact, quelque chose qui n'est pas vraiment mûr, mais nous et eux, on détecte qu'il y a un potentiel. Bon, et du coup, ils sont tout excités. Ça leur plaît, généralement, la perspective, en tout cas, de venir à Nature. Du coup, tout le monde se met à bosser un peu plus. On revient quelques mois plus tard, et puis là, il y a un premier manuscrit qui est soumis. Et donc, soit il manque encore des choses évidentes sans avoir besoin de faire appel aux experts et on recommence à faire un petit va-et-vient avec les auteurs, soit on envoie directement à ce panel de référis en incluant un ou deux nouveaux. Et combien à peu près de pairs pour un papier? Alors là, la norme c'est généralement 3. Mais généralement, moi j'aimerais rajouter un petit quatrième, petit nouveau, qui va être un peu être calibré à cette occasion-là. Et puis comme c'est un jeune, souvent c'est quand même aussi une sécurité parce que les autres vont peut-être être très en retard, les vieux très occupés. Et du coup, lui, il fait un bon boulot. Et puis, généralement, faut rappeler que les pairs ne sont pas rémunérés. Non. Voilà. C'est toujours le cas. Oui, oui, bénévoles. Oui. Extrêmement important. Ça, c'est une autre discussion. J'espère qu'on y viendra là, sur l'avenir de ce processus. Ce modèle, oui. Et donc, voilà, il y a aussi que les jeunes sont souvent aussi plus exhaustifs, ils bossent plus, quoi. Donc, on mixe un peu tout ça. Et puis, on reçoit les rapports, donc on les circule, on les discute entre éditeurs, donc tous les éditeurs potentiellement concernés par l'une ou l'autre facette du papier. Et en fonction de ça, on décide de... Soit c'est sans espoir et on le rejette avec ce qui s'appelle une porte fermée, en leur disant bon, vraiment ça vaut pas le coup de perdre plus de temps ici, aller vers un autre journal. Soit il y a beaucoup de commentaires constructifs et assez d'une façon qui paraît réaliste et réalisable, on le renvoie aux auteurs et c'est à eux de juger si ça vaut le coup. Et puis ils reviennent 2, 3, 6 mois après selon les disciplines. Quand c'est la paléontologie, ça peut prendre un peu longtemps. Les fossiles ont attendu quelques millions d'années, donc ils peuvent attendre 2-3 ans avant de revenir. Mais dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus chaud parce qu'il y a beaucoup de compétition. Quelquefois, on a plusieurs papiers concurrents en même temps. Et donc, on doit avoir des référis qui voient les différents papiers et on doit, ils ont pas la même dynamique. Donc, quelquefois, il y en a un qui est plus proche de la maturité. Du coup, on ne peut pas retarder l'un sans l'autre. Quelquefois, on en publie un, en ligne et les autres se rattrapent quand on fait la version papier. Enfin bon, il y a toute cette dynamique qui diffère d'un domaine à l'autre. Et parmi les critères de sélection, il y a aussi ce que l'on appelle la valeur P, la P-value, qui permet de déterminer la significativité. Alors, c'est pas un très joli mot, mais enfin, si un résultat est signifiant ou non. Bonjour, Céline Lozen. Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous. vous êtes allé à la rencontre d'un post-doctorant de l'Institut Biologie Paris Seine de Sorbonne Université pour nous expliquer justement cette valeur P. Qu'est-ce que c'est ? Bah oui, parce que du côté des auteurs, le système de révision par les pairs présente parfois des défauts qui biaisent la qualité de l'évaluation. Je suis allée voir Tristan Bittar-Feldel, post-doctorant en biologie computationnelle. Il a publié depuis 2017 2 articles dans Scientific Reports, qui est une revue en ligne publiée par Nature Publishing Group. Il m'a confié les défauts qu'il a relevés dans le processus de révision, et en particulier cette valeur de P qui mériterait peut-être de s'assouplir. C'est un processus qui est tout à fait normal, ce processus d'évaluation par les pairs. Après, des fois, on tombe sur des évaluateurs qui n'ont pas forcément très bien compris le travail, qui n'ont pas forcément été très bien sélectionnés, ou soit par l'éditeur, soit même par nous-mêmes. Et ça m'est arrivé d'avoir un évaluateur qui avait refusé de lire le travail parce que l'anglais n'était pas assez bon pour lui, sachant que le travail avait été quand même rédigé par une équipe internationale. Composé d'une anglophone. Donc il y a un biais aussi un petit peu. Enfin, ça va vraiment dépendre de la personnalité aussi de l'évaluateur. On a des évaluateurs qui font vraiment un travail en profondeur, qui vont vraiment essayer d'apporter même des commentaires. Des conseils. Des conseils, oui, des conseils positifs, des études qui peuvent manquer, qu'ils ont vues et qu'on n'a pas forcément vues, parce que quand on a le nez dans un travail depuis 1 an, 2 ans, on a des fois des difficultés d'avoir du recul par rapport à nos propres travaux. Donc ils peuvent apporter une vision vraiment, vraiment positive sur le travail. Mais bon, les commentaires sont parfois aussi négatifs, il faut les accepter et travailler dessus en essayant de prendre du recul aussi. Et aussi ce problème lié à la valeur de P qui revient souvent, le P qui doit être inférieur à 0,005. Oui, en statistique, oui. En statistique. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi ça consiste cette valeur et est-ce qu'elle est... Ouais. C'est un gage de qualité des expériences ou de significativité. Est-ce que c'est toujours un bon indicateur ? C'est une mesure statistique qui permet d'évaluer la probabilité d'obtenir une mesure similaire par chance. En gros, si on fait une expérience, on rassemble des données, toutes ces expériences ou ces données vont nous faire des distributions, on va pouvoir les tester, on pourra les analyser. Et on voudrait que ce qu'on observe, si on observe un effet, par exemple une différence entre deux distributions, on voudrait que cet effet soit significatif, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dû au hasard. Et en gros, on a des tests qui nous permettent de dire, ok, donc la différence observée, le score observé, a peu de chances d'être dû au hasard. C'est tout ce qui est derrière un peu cette p-value. Il y a 2 choses qui sont assez importantes à prendre en compte, c'est-à-dire la p-value en elle-même si on veut, mais surtout l'effet observé. Parce qu'on peut très bien observer des très très petites différences entre des distributions, mais si on a beaucoup beaucoup d'échantillons, cette différence va être significative. Après, est-ce que cet effet, cette très petite différence est biologiquement importante ? C'est une autre question. Il faut relativiser un petit peu cette p-value parce que c'est une mesure statistique, c'est pas en soi un critère de qualité du travail. Elle est influencée par l'échantillonnage, elle est influencée par le test même qui va être effectué. il y a des bonnes et des mauvaises pratiques pour faire ce genre d'analyse. Du coup, en soi, c'est un critère à regarder quand on lit une étude, mais il faut regarder l'étude dans l'ensemble, c'est-à-dire comment est-ce que cette valeur a été calculée. Mais pourtant, ce critère, ça fait partie des exigences des éditeurs. Souvent en biologie, ce sont des tests qui sont importants à effectuer, mais il ne faut pas non plus oublier la prise en compte de l'impact de l'observation qui a été effectuée. Enfin, si la différence mesurée est très très fine, mais qu'on a beaucoup d'échantillons, on peut avoir une valeur de P très significative. Alors qu'une différence observée très grande avec peu d'échantillons, une valeur de P non significative indiquera qu'il faudra probablement refaire des expériences pour pouvoir confirmer que la différence est vraiment due à une différence de distribution. C'est un outil, c'est pas... Ça change un petit peu, mais il y a encore quelques années, les biologistes faisaient très très attention à ces valeurs de P et cherchaient à être le plus... Enfin, avoir des P très très significatifs tout le temps, le plus faible possible, sans forcément prendre en compte la compréhension derrière qu'il y avait de la mesure des données qui étaient analysées. Ça peut être légitime si, par exemple, dans certains cas, ça n'a pas été fait et ça aurait dû être fait. Mais en science, l'important, c'est l'argumentation. Et si l'argumentation est valide et correcte, il n'y a pas forcément de légitimité forcément à demander une valeur de P, calculer une P-value. Même une mauvaise P-value peut être argumentée, et si c'est argumenté de façon correcte, il n'y a pas forcément non plus d'illégitimité et d'analyse. Donc c'est tout est affaire d'argumentation au final. Voilà le reportage du jour sur cette valeur P, une réaction dans l'Ichoir à ce critère de sélection. Est-ce que c'est une réalité ? C'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué. Oui, alors déjà je vais réagir simplement à l'idée que les éditeurs exigent des bonnes p-values, etc. Donc, on est très au-delà de ça, on a publié de nombreux éditoriaux sur la question. Je vais peut-être essayer un petit exemple très concret pour qu'on comprenne mieux. Si vous avez une étude qui montre que, par exemple, les sites de rencontres en ligne conduisent à un plus faible taux de divorce, si on vous le présente en vous disant ça a été fait sur 19 000 personnes interviewées, qu'il y a une p-value de p 0,0001, on en déduit qu'il y a une grande significativité vous dites en français. Et donc, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. Sauf que ça ne dit rien de l'ampleur de l'effet. Et en fait, quand on regarde l'effet, la chose vraiment importante à dire aussi, quand on décrit cette étude-là, c'est de dire que le taux de divorce passe de 7,67% à 5,96%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet. Alors que la p-value, c'est quelque chose de préliminaire. C'est quelque chose que Ronald Fisher a inventé pour dire... Est-ce que, au premier pif, quand on commence à faire l'expérience, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire cette recherche-là? Parce qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a un effet? Mais la bonne question à se poser ensuite, c'est quelle est l'ampleur de cet effet? Et mieux que ça, quelle est la plausibilité de cet effet? Parce que, par exemple, un autre truc, c'est vous vous réveillez le matin avec un maux de tête et vous pouvez faire l'hypothèse que c'est dû à une tumeur du cerveau. Sauf que c'est très implausible, très peu plausible. Il y a beaucoup d'autres possibilités beaucoup plus plausibles que ça avant. Donc la plausibilité et l'ampleur des résultats est beaucoup plus importante. Alors ça n'empêche pas, c'est pas seulement les reviewers de certaines revues, etc. Je fais remarquer au passage que Scientific Reports, ça n'est pas Nature. Nous, ça fait vraiment des années qu'on se bat contre ça, mais on se bat contre quoi ? Contre la culture des scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui se sont attachés à cette valeur P comme une valeur mythique. Qui serait une valeur définitive de la qualité de statistique des résultats. Or, c'est une valeur très préliminaire qu'il faut utiliser au début, juste au pif, pour voir si on continue dans cette voie-là ou pas. Un petit mot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Je précise à nos auditeurs que sur toutes les questions qui sont liées à l'open access, à la mise en ligne des revues, etc., on a fait déjà plusieurs émissions. On vous a mis les liens sur le fil Facebook de l'émission. Là, on est vraiment ici pour raconter l'histoire de Nature, donc on va pas réouvrir ce dossier-là parce qu'on n'aurait pas le temps et qu'on l'a déjà fait déjà. Mais juste tout de même une question, Nathalie Lebotte, sur quelque chose qu'on a aussi beaucoup évoqué à ce micro, qu'on a beaucoup critiqué, c'est ce fameux publisher perish qui a été pas juste la responsabilité de Nature, mais des revues au facteur d'impact. Est-ce que c'est vrai que vous avez contribué à façonner un peu la recherche, la course à la recherche? C'est toujours le cas aujourd'hui. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est éditeur scientifique? Alors, bon, d'abord, ça, cette idée de publish or perish n'a rien à voir avec open access. C'est bien autre chose, c'est pour ça que je précise open access, c'est un autre alors débat ça, qu'on a ça, déjà je pense que c'est une chose comme je l'ai mentionné au un peu avant, c'est un petit peu ce que font les gens avec ce qui est publié dans ces journaux, ce que font les gens qui prennent les décisions de qui ils vont engager comme professeurs ou dans leur laboratoire pour faire des expériences, ce qui font les gens qui vont donner l'argent pour faire la recherche. Ils se basent beaucoup sur le nom des publications. Et c'est une chose auquel on n'adhère pas du tout d'ailleurs, parce qu'il y a eu un groupe de personnes il y a quelques années déjà qui a proposé justement qu'il était temps de plus regarder ça, de regarder vraiment autre chose. Et on a beaucoup de mesures, on dira, pour essayer de favoriser ça, de vraiment pas s'attacher au nom de la revue, mais de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du papier et où ce papier a permis à la recherche dans ce domaine d'aller. Mais principalement, cette histoire est quand même est vraiment liée à comment les funders, je dirais, les gens qui donnent l'argent et les gens qui donnent le travail, interprètent une publication dans un journal particulier. Un choix à ce propos, sur le Publisher Perish. Publisher Perish, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Un mot peut-être alors pour terminer, pour conclure cette émission, le peer reviewing qui est l'ADN de Nature et des revues à gros facteurs d'impact. Aujourd'hui, ce peer reviewing, c'est une méthode nécessaire, il faut la maintenir. Justement, on évoquait la publication sur Internet, ça reste la spécificité, ça restera toujours la spécificité de Nature, Tanguy Chouard. J'ai pas bien écouté la question, je suis désolé, j'étais complètement ailleurs. Sur le peer reviewing, est-ce que le peer reviewing, c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui restera toujours la marque de fabrique de Nature? Alors de Nature, pas seulement. Des revues à ouais, ça, impact. Ça devient très, très, bon, maintenant c'est tout à fait général. Il y a beaucoup de questions autour du peer reviewing récurrentes, comme par exemple l'anonymat des reviewers. Et même il y a des idées de double blind peer reviews où on n'aurait même pas le nom des auteurs sur les papiers. Mon impression, c'est que chaque fois qu'on a ce genre de discours, ben il faut revenir à des choses assez pragmatiques. Alors là, vous allez voir, je suis très vieille école, mais l'anonymat des reviewers, comment je justifie la qualité du système, qui peut être le meilleur des systèmes à l'exception de tous les autres, mais c'est la qualité des rapports. Dès qu'on perd l'anonymat des reviewers, les reviewers, même s'ils ont une petite boîte pour nous parler de façon intime juste à l'éditeur, ils vont plus du tout critiquer le papier de la même façon. Ils vont plus du tout avoir la même liberté d'esprit critique. L'anonymat, évidemment, il pourrait y avoir plein d'effets pervers sur le fait qu'ils se permettent d'exiger toutes sortes de choses infaisables pour enterrer le papier, par exemple. Mais là, ça, c'est vraiment le rôle des éditeurs d'arbitrer, de voir si un reviewer qui est par ailleurs anonyme est raisonnable ou pas. Donc nous, on joue ce rôle de tampon. Donc une fois qu'on accepte ce rôle de tampon, de médiateur, eh ben l'anonymat des reviewers nous permet d'avoir des rapports sincères. C'est-à-dire qu'un jeune chercheur, même quand il est anonyme, fait attention à ce qu'il dit parce qu'il a peur que par la bande, ça se sache que c'est lui qui a fait le reviewing de quelqu'un qui pourrait être un futur employeur, un big shot qui travaille dans une grande université et son avenir est en jeu. Donc l'anonymat, c'est très important, quoi. Bon, ça c'est qu'un aspect du peer review, mais je pense que le peer review à l'enseigne est très important. En un mot, Nathalie Lebot, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, allez-y. Ah oui, alors je pense que tout ce que dit Tanguy est vrai, mais je pense qu'il y a de la place aussi pour évoluer dans cet aspect de la publication. Et notamment, j'ai des gens qui mettent leurs papiers sur des sites comme BioArchive, ouais, donc où c'est tout ouvert avant la publication, et ils utilisent les commentaires qui sont là et que moi je vois pas pour améliorer le papier. Et ça, je pense qu'il y a aussi une route là pour, disons, ouvrir le processus peut-être en parallèle avec le peer review anonyme. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler de l'histoire de cette revue Nature, et je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée justement à Archive et à l'open access, à la publication en ligne. On avait eu un débat passionnant sur le sujet, on vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois, merci Charlotte Big, merci Nathalie Lebot, merci Tanguy Chouard, merci aux confrères de la BBC pour le duplex depuis Londres, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Emmanuel Morse-Duncan aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain c'est un vendredi science-fiction, alors qu'approche à grands pas l'ultime et très attendue saison de Game of Thrones, nous allons nous intéresser au langage de fiction et au langage de science-fiction. Comment crée-t-on l'elfique? Comment crée-t-on le langage des mignons aussi? Mais comment crée-t-on surtout le Klingon? Cap là, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.